je te dis une chose. Tu perds un seul instant ta lucidité, t'es foutu. Laisse-moi rire. Tu bois comme un trou. Ouais, t'es foutu. Tu perds toutes les autres. C'est la cristallisation, comme dit Stendhal. Vous êtes pas marrants, tous les deux. C'est le même cinéma, tous les soirs. Toi, ça va, hein? Non, mais alors? Si tu veux qu'on te mette sur un coup, tu vas te tenir tranquille. Si vous croyez que je vous ai attendu, c'est pourquoi je dis que la lucidité est indispensable. Sinon les filles te possèdent jusqu'à la gauche. Un seul remède, changer. Changer pour vous, c'est échanger. Ouais, une belle partie de baseball. Une belle partie de baseball. Chacun son jeu, mon vieux. Tu as été à Londres ces jours-ci? Ouais, j'ai ramené ça. Oh, liberté, liberté. Encore une bière? Deux, trois, quatre, je vais vous les chercher. Tu la connais? Pourquoi ça t'intéresse? Ah, on peut te brancher si tu veux. 343 78 53. Ton boulot, ça marche? Bah, faut que je trouve un nom pour une marque de chewing-gum. Baby gum. Baby gum, ça va pas? Lolita, Lola, bon, on verra, je trouverai bien. Allez, pour le moment.